Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Annie Lebrun, pour une actualité très dense. Pour le moment, je ne cite qu'un titre de livre, Les arcs-en-ciel du noir, Victor Hugo, chez Gallimard, dans la collection Art et Artistes. Un titre qui est aussi celui d'une exposition qu'on peut voir à Paris, à la maison Victor Hugo, jusqu'au 19 août. J'appartiens sans retour à cette sombre nuit qu'on appelle l'amour. J'ai dit une actualité très dense, Annie Lebrun, parce qu'il y a ce livre et cette exposition, Victor Hugo, dont nous allons parler. Mais il y a aussi un livre de Victor Hugo, Le Promontoire du Songe, qui reparaît dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard et que vous avez préfacé. Et puis une réédition, celle d'un livre de 1988, si je ne me trompe pas. Un livre intitulé « Appel d'air » qui reparaît en poche chez Verdier. Et justement, dans « Appel d'air », vous disiez que vous écriviez « comme on force une porte », c'est-à-dire par effraction. Un peu, oui. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Avec un souci en tête, celui de vous emparer d'un butin précieux. Non, c'est oui, mais c'est plutôt parce que je peux pas faire autrement, c'est ça. C'est plutôt ça que ça veut dire, c'est clair. Vous savez pas ce qu'il y a derrière la porte. Non, c'est pour ça que c'est intéressant. L'important, c'est de l'ouvrir. D'aller voir. Même si vous ne savez pas à quoi vous en tenir. Non. Comme avec la vie, du reste. Oui. Et à la fin de ce texte, qui aujourd'hui a donc plus de 20 ans, mais n'a pas pris une ride, vous citez une phrase de votre ami Jean Benoît, une de ces phrases que vous auriez envie, dites-vous, de voir apparaître sur les murs. Je l'y vois bien, d'ailleurs. Avec la précision de certaines plantes, hein, c'est ce que vous ajoutez, cette phrase de Jean Benoît, c'est « Mort, la vie te guette ». Oui. Là aussi, c'est clair, non? Surtout, peut-être encore plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Parce qu'il y a... encore plus de murs aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a plus de murs et puis aussi il y a plus de murs qui sont scellés justement avec les forces de mort. Et que il est grand temps que la vie reprenne comme les plantes à travers ces murs-là. Il suffit de quelques mots comme ça, des mots justes pour rompre ce que vous dénoncez, c'est-à-dire l'indifférence qui se répand de plus en plus autour de nous dans le monde. Je ne sais pas s'il suffit de quelques mots, mais il se trouve que parfois quelques mots peuvent déclencher des, réveiller des choses qui sont quand même beaucoup plus répandues qu'on croit. Que je pense qu'il y a beaucoup d'êtres qui n'attendent en quelque sorte que d'entendre certains mots. Et, parce que souvent la vie a fait, surtout la vie d'aujourd'hui, a fait que, eh bien, ils ont été assourdis d'autres manières. Et puis quand tout d'un coup, un ton particulier peut se manifester, alors c'est très possible que quelque chose peut changer. Ça, j'en suis quand même convaincue. Même si c'est infime, mais c'est contagieux. La vie d'aujourd'hui, comme vous dites, ressemble de plus en plus à la mort. D'une certaine façon, oui, je pense. Ça s'agite beaucoup pour faire illusion, mais c'est pas très brillant. Ça serait notre art de vivre. Je ne sais pas si on peut parler d'art de vivre. Ce serait plutôt l'inverse. On mettrait des guillemets à art de vivre. On peut mettre beaucoup de guillemets. Mais c'est le tour que prennent les choses. Et puis aussi, déjà, là, dans ce livre Appel d'air, c'est, je dénonçais l'indifférence, pour ne pas dire plus, de pas mal d'intellectuels et aussi des artistes qui font en sorte de se tenir à l'écart de tout ça, de ne pas essayer de voir de quoi ils retournent et dont l'activité sert justement à tromper sur ce qui se passe ou à divertir au sens pascalien du terme. Et c'est pas par hasard que pour ce livre-là, j'avais pris comme exergue une phrase de Cravant, je crois qu'il a dit en 1911 ou 12, et qui dit « Dans la rue, on ne verra bientôt plus que des artistes et on aura toutes les peines à trouver un homme. » Or, j'ai l'impression que aussi il y a une sorte de pollution culturelle qui s'est installée pour justement étourdir, pour empêcher ou faire comme si on pensait, pour empêcher de penser ou de sentir, et qu'on a vraiment de plus en plus de mal à trouver des hommes. Une culture qui ne se différencie pas de la mort, donc. Non, qui l'installe. Qui est séparée de la vie. Oui, je pense ça, oui, beaucoup. D'ailleurs, vous disiez qu'on assistait à une mise en place mortelle d'un ordre de l'indifférence. Oui, c'est ça. Et malheureusement, c'est que ce qui a été dit il y a longtemps... C'est toujours valable. Oui, et peut-être même de plus en plus, c'est ça qui est inquiétant. Ça veut dire que cet ordre n'a pas été renversé? Non, pas du tout. Et il y avait aussi l'autre phrase que j'avais mise en exergue, c'était une phrase de Sade qui disait que, c'était en matière d'idées, les trembleurs me désespèrent. Eh bien, moi aussi, ça me désespère, parce qu'on a affaire à beaucoup de trembleurs qui ne produisent, comme disait Sade, que des demi-idées. Et avec ces demi-idées, effectivement, on ne peut pas aller très loin. Ce qui n'est pas le cas d'Hugo. Alors, vous ajoutiez, j'ai cité cette très belle phrase d'Hugo pour commencer l'émission. Oui. Et vous-même, dans Appel d'air, donc à une époque où vous n'étiez pas encore une lectrice de Victor Hugo publique. Oui. Vous disiez « Aimer n'a pas encore perdu son sens qui donne tous les autres ». On n'était pas loin. On n'était pas loin et je continue, je persiste et je signe. Alors c'est vrai qu'on connaît vos essais sur Sade, sur Jarry, sur Roussel. Hugo, c'est un peu une surprise. Oui, et ça l'a été pour moi aussi. Parce que, bon, d'un côté, j'avais évidemment porté attention de ce côté-là et quand même une attention assez soutenue parce que comme je me suis intéressée, comme vous l'avez dit... justement à Sade et à ce regard que Sade porte sur les ténèbres qui nous habitent, il me semblait, quand je cherchais un peu s'il y avait des équivalences, enfin, ou des gens qui avaient porté un regard d'une façon aussi intense, tout d'un coup m'est apparu justement ce que Hugo fait voir. Et c'est d'autant plus intéressant parce que c'est une démarche qui est qui est à l'opposé de celle de Sade. Et justement, la façon et l'acuité et la persistance avec laquelle Hugo regarde du côté des ténèbres m'avait vraiment alertée. Et puis, quand c'est important, eh bien le hasard fait bien les choses. C'est tout à fait par hasard que, il y a 2 ans, j'ai rencontré Gérard Audinet, qui justement avait ce jour-là dans sa poche le livre que je venais d'écrire qui s'appelait « Si rien avait une forme, ce serait cela », qui est une citation de Hugo, et qui venait de poser sa candidature pour la maison de Victor Hugo. Et il n'était pas encore nommé. Il m'a dit « Mais je vous ferai signe si jamais je suis nommé ». Et puis effectivement, quelques mois après, il m'a fait signe pour me proposer une carte blanche. Mmh. Voilà comment ça s'est passé. Alors là, vous avez ouvert tous les Victor Hugo de votre bibliothèque. Pas seulement. J'ai eu la chance qu'on m'ouvre tous les tiroirs de la maison Victor Hugo. Et ça a été vraiment un émerveillement après l'autre. Parce que d'un côté, j'ai eu accès à la bibliothèque de cet endroit. Aussi à la correspondance que conserve aussi la maison Victor Hugo. Ne parlons pas des dessins qui sont là, en plus des objets qui ont appartenu à Victor Hugo, à ses proches, et puis aussi toute la collection extrêmement intéressante de photographies que les fils de Victor Hugo avaient réalisées. Voilà. Donc c'est au milieu, là, c'était vraiment, j'ai poussé une porte et là, j'ai... Sans effraction, cette fois-ci. Sans effraction, mais il y avait un trésor. Ouais. Alors bien sûr, votre Victor Hugo, ce n'est pas tellement l'auteur des Misérables. Ah oui et non, mais pas tel qu'on le présente et aussi tel qu'on... Si on fait toujours en sorte de bien... C'est intéressant de voir aussi, surtout au moment des... La campagne électorale, comment chacun essaye d'aller piocher dans Hugo. Et effectivement, l'image qu'on en garde, c'est pas celle qu'on va voir là actuellement à la maison Victor Hugo. Alors cette exposition, Les arcs-en-ciel du noir, Victor Hugo, donc révèle au public des choses qui jusqu'à présent étaient demeurées connues des seuls spécialistes. Oui et non, j'ai rien découvert là en l'occurrence, mais j'ai... Enfin, vous avez ouvert les tiroirs. J'ai ouvert les tiroirs, oui. J'ai ouvert les tiroirs et là, peut-être la seule chose qui est un peu nouvelle, c'est d'avoir essayé de suspendre cette simplification qui revient toujours dès qu'on aborde Hugo. Il y a toujours quelqu'un qui explique que, puisqu'il a écrit Les rayons et les ombres, hein, par exemple, que c'est l'opposition du noir et du blanc, etc. Et on résout tout. L'infini et l'inachevé. Voilà. Et on résout tout avec ces antithèses-là, et tout le monde est content et s'en va. Bon. Et que c'est la lutte de la lumière, enfin, le combat de la lumière contre les ténèbres. Ça. Si c'était aussi simple que ça, Hugo n'aurait sûrement pas cette force qu'il a aujourd'hui encore auprès de quand même des millions de lecteurs. C'est ça qui est très étrange, parce que il y a une profondeur chez lui qui fait que, eh bien, à un moment ou à un autre, chacun est touché en profondeur, est touché par sa l'acuité de sa sensibilité. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, il y a c'est intéressant parce qu'il y a, comme j'ai lu quand même pas mal relu et relu Hugo pour ça, j'ai vu qu'il y a un des mots qui revient le plus, c'est même une forme pas très connue, c'est le verbe « se complique de ». Il dit « l'ombre ou la lumière se complique de quelque chose ». Et effectivement, c'est une des formes de son génie de nous révéler en quoi quelque chose qu'on croit évident se complique de. Et c'est peut-être que j'ai essayé un petit peu de montrer ça. À partir du noir, qui est le foyer de l'exposition. Qui est le foyer, oui. Parce que j'ai été saisie par le fait que Bon, il y a son activité de poème, de publication de poèmes qu'il utilise pour se faire une place très vite dans la société, puisqu'étant donné son état, il est très jeune, il veut être indépendant. Mais dans le même temps, j'étais frappée par le fait que les choses auxquelles il semble tenir aussi beaucoup, ce sont trois romans. Et ces trois romans noirs. Et puis, j'ai eu quand même beaucoup de chance, parce qu'au fur et à mesure que je pensais à quelque chose, toc, je trouvais ou un dessin ou des phrases qui venaient confirmer ce qui était plutôt de l'ordre de l'intuition. Et pour cette histoire du noir, j'avais trouvé cette citation de Hugo qui dit « Un matin, je me suis dit, je ferai trois romans sur les numéros des trois premiers cabriolets que je rencontrerai aujourd'hui. » J'ai rencontré les numéros 1699, 1792 et 1482. C'est pourquoi j'ai écrit Anne d'Island, Bugjargal et Notre-Dame de Paris. Bon, alors c'est formidable, ça, déjà, ce pari qu'il fait. Et on voit, il parie sur le noir. Hein, c'est parce que ces trois romans vont être des trois romans noirs. Alors, bon, c'est autour de 1820. Ça n'a rien d'exceptionnel parce que la France, l'Europe de 1820 est sous le signe effectivement de la lumière noire. Mmh. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec ces trois romans, Hugo va couvrir en quelque sorte tout l'éventail des différents noirs possibles. Mmh. Alors que les autres se cantonnent dans un genre et puis après ils vont passer en quelque sorte, la jeunesse va se passer et cette mode du noir va passer. Chez lui, pas du tout. Pas du tout, parce que... Elle a commencé très tôt, d'ailleurs, chez lui. Chez lui, très tôt, puisque le Bugjargal, il le commence, il a 16 ans. C'est à la suite d'un pari. Et je pense que c'est d'autant plus enraciné qu'il y a quelque chose auquel on ne fait pas très attention. C'est le fait que quand il est tout petit, il a 8 ans, sa mère l'emmène avec ses frères pour rejoindre le père qui a des fonctions en Espagne, c'est-à-dire qui dirige l'armée d'occupation, et que tout petit, il voit les exactions de des armées françaises, c'est-à-dire des dépeçages, des crucifixions. À 10 ans, il voit l'échafaud. Il voit Goya, il voit l'échafaud. Et de là vient, étant donné ce qu'il a rapporté de son dégoût, de là vient cette chose tout à fait exceptionnel et qui le caractérise, qui est son refus définitif et son combat qui va mener contre la peine de mort. Sa haine de la guerre et sa haine de la, guerre, sa haine de la peine de mort. C'est ça. Et ça, c'est peut-être ce qui le rapproche de Sade. Oui, oui. Et puis, d'un autre côté, il y a la folie, qui est très proche, puisque son frère de qui il était... Enfin, il y avait une sorte de rivalité presque, où même la mère entretenait une compétition entre les deux frères, et surtout, par exemple, dans le domaine poétique, le domaine intellectuel. Son frère, dont il était très proche, va devenir, à partir de 17-18 ans, va commencer à être assez déséquilibré, puis à 20 ans, il est enfermé. Et ça, c'est aussi déterminant, parce que cette crainte de la folie va l'accompagner toute sa vie. Et après, avec sa fille Adèle, c'est là, hein, c'est tout proche. Est-ce que le noir, dès ses jeunes années, correspond à ce gouffre fondateur dont il sera question chez lui par la suite? Je pense que oui, que presque c'est pour conjurer ce gouffre-là qu'il va y avoir cette activité créatrice sans égale. Parce qu'il est, dans le fond, tout porte à croire qu'il est toujours au bord de ce gouffre-là. Alors, on citait un point de rapprochement de Victor Hugo et le marquis de Sade. Oui. C'est l'unique point, je pense, hein, parce que pour le reste, il y a une grande différence entre ces deux écrivains. Il y a une très grande différence, d'autant que même s'il avait une vie amoureuse, il a eu une vie amoureuse très intense, il a toujours jeté une sorte de voile sur ces questions-là. Dans son œuvre publique, alors que dans les carnets, quand même, ça existe fortement. Mmh. Mais quand on lit bien, on voit qu'il y a une grande proximité. Je veux dire une grande attention au domaine érotique. La proximité, il faut la chercher, mais on la voit par exemple dans des notations qui sont frappantes. Par exemple, l'un et l'autre ont une même idée de la laideur, du rapport de la laideur et de la beauté. Pour l'un comme pour l'autre, la beauté est une chose simple, alors que la laideur est une chose compliquée, est une chose beaucoup plus intéressante. Et là, on se trouve justement, on voit que l'un et l'autre sont des esprits dialectiques, si je puis dire, c'est-à-dire qui lient en profondeur aussi bien la laideur et la beauté, ce qu'on va retrouver chez Hugo avec la façon dont le grotesque et le sublime sont imbriqués. Mmh. Et on sent très bien que c'est l'envergure des personnages et l'ampleur du regard qui fait que à un moment ça se retrouve, ça se recoupe, même si ça vient pas des mêmes lieux. Ouais, mais comment se situent-ils l'un et l'autre par rapport à la dialectique de la raison et de l'imagination? Là aussi, on pourrait faire un rapprochement. Parce que justement, quand même, Hugo va affirmer, presque pas de la même façon, mais va affirmer aussi, de plus en plus, il va affirmer l'excès. Et l'excès de la pensée, et qui renvoie à l'excès du désir chez Sade, et comme ça ne sépare pas l'un de l'autre. On est très proche. Même un livre, justement, auquel j'accorde une grande importance, un texte comme William Shakespeare, donc que Hugo a écrit comme une préface pour la traduction de Shakespeare que son fils avait fait pendant l'exil. Eh bien, c'est une sorte d'autoportrait où justement l'excès, le génie, le désir, c'est continuellement là. Et là, on pourrait faire des rapprochements quand même très significatifs. Mmh. Ouais. Alors, vous parlez du William Shakespeare, de Hugo, et comme vous l'avez fait pour Sade, Annie Lebrun, vous intéressez dans votre essai beaucoup au théâtre de Victor Hugo, oui. Et surtout à la maison de poupées qu'il avait confectionnée pour ses enfants. Oui, oui, c'est très étrange parce que le théâtre arrive vraiment juste après ces années-là donc qu'on a évoquées tout à l'heure avec où il voit en quelque sorte à la fois le noir mais aussi l'excès, les passions qui l'habitent, et le théâtre il me semble qu'il se serve du théâtre comme d'une machine optique qui va lui permettre de focaliser pour voir mieux quelles sont les forces, qu'est-ce que c'est que le désir, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce qui s'y oppose, qu'est-ce que c'est que quel risque prend-on pour ça, enfin c'est, et aussi avec toutes les conséquences sociales de l'affirmation de la passion. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est donc au moment où il est en pleine lutte théâtrale, puisqu'on sait bien le scandale qu'a provoqué Hernani, et après, donc, au moment où il est, je crois, c'est au moment des Bourgraves, qu'il se trouve un été, donc, comme il allait souvent passer l'été chez ses amis les Bertins, il fabrique une maison de poupées pour ses enfants. Et bon, on a tous vu des maisons de poupées du 19e siècle, enfin ces maisons un peu qu'on peut encore acheter dans les magasins chics pour les enfants. Et là, c'est pas du tout une maison de poupées, soi-disant il a fait ça, mais on se trouve devant une maquette, véritablement une maquette de théâtre, qu'il a faite avec des cartes à jouer, qui est un objet incroyable, et où il y a un billard, alors la maison de poupée, c'est quand même bizarre, un salon avec des tableaux qui ont été peints par ses amis, en particulier par Boulanger, qui est son illustrateur, et puis aussi par... il y a aussi une petite cuisine, et tout ça s'est fait avec des cartes à jouer découpées. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la passion avec laquelle Hugo se jette dans une activité quelle qu'elle soit. D'ailleurs, plus tard, en 1868, c'est-à-dire à la fin de son exil, il va inventer la Green Box, c'est-à-dire une charrette théâtre qui va accompagner L'Homme qui rit. Oui. Et là, c'est extraordinaire parce qu'avec L'Homme qui rit, justement, très tard, tout recommence. Tout recommence, mais lesté de tout ce par quoi il est passé. Donc, cette interrogation sur le désir, cette interrogation sur l'amour, sur l'identité, sur la représentation, puisque c'est aussi ça qui le hante, et reposer dans L'Homme qui rit, et en particulier avec cette sorte de roulotte théâtre, de baraque théâtre, qui parcourt le roman d'un bout à l'autre, et qui est ce tréteau sur le vide, sur l'abîme. Et ça figure, enfin, d'une certaine façon, aussi l'aventure intellectuelle et sensible de Hugo. Un théâtre qui, pour vous, Annie Lebrun, n'a d'autre sujet que l'amour, on y revient, aux prises avec tout ce qui n'est pas lui. Oui. Et où tous les héros sont vierges. Oui, ça, je veux dire, il faudrait vraiment se pencher. Je me suis rendu compte en travaillant. Mais il faudrait vraiment passer du temps à ça. Un théâtre où il n'y a pas de petit rôle. C'est Juliette qui l'a dit. C'est-à-dire, puisque Juliette apparaît au moment de Lucrèce Borgia, où elle a justement un petit rôle. On lui donne le rôle de la princesse Negroni. Elle aurait dit donc à cette occasion, mais il n'y a pas de petit rôle dans une pièce de Hugo. Et effectivement, elle n'a pas joué un petit rôle, puisque ça a été quand même la révélation de part et d'autre. À sa façon, Victor Hugo a été un écrivain voyageur, comme on ne disait pas de son temps. Oui. Il a beaucoup voyagé, il a visité la Bretagne, la Champagne, la Belgique, les Alpes, le Rhin, les Pyrénées. Et il n'avait pas, comme vous, lorsque vous ouvrez une porte, de but précis à ses voyages. Il y avait simplement chez lui l'intention de rêver beaucoup et de penser un peu. C'est ça, c'est vraiment ça. Et donc c'est ce dont il rencontre dans ses récits de voyage. Il rencontre de cette errance et on voit bien comment c'est l'inverse des voyages qui se font aujourd'hui, vraiment. Il voyage pour rêver. Et ce qu'il voit est un déclencheur de rêve. Et avec ce paradoxe qui n'en est pas un, qui est qu'il dit à un moment « je suis un grand regardeur des choses ». Parce qu'il a une acuité du regard extraordinaire. Et c'est justement parce qu'il voit vraisemblablement au-delà de ce que les autres regarde, que ça va être le moment où il va commencer à rêver. Et c'est à cause de cette capacité de voir au-delà, ou grâce à cette capacité, qu'il est hanté aussi par l'infini. Sûrement. Et puis, d'ailleurs, il dit de toute façon, on ne regarde au dehors que pour regarder à l'intérieur de soi. Et là, bon, c'est la question de l'infini qui se repose. Et puis, alors, si puisqu'il s'agit du noir, je pense aussi que, donc à la fois la découverte de la peinture flamande et ses voyages donc, dans le nord de l'Europe il a découvert là aussi des représentations de l'excès, mais d'un autre côté, justement, le Rhin, tous les voyages qu'il a fait le long du Rhin, ont été très, très importants, parce que tout s'est passé comme si tout le noir venait à sa rencontre. C'est-à-dire ce qu'il voit avec les silhouettes des châteaux, des bords du Rhin, toute aussi cette brume qui accompagne le fleuve, va lui suggérer ce qu'il va voir dans l'encre, dans ces taches d'encre. Mais je pense que c'est vraiment là que ça se déclenche. Ouais. Et un texte comme le Promontoire du songe que vous préfacez, enfin dont vous préfacez la réédition dans l'imaginaire chez Gallimard, c'est aussi pour vous un grand texte sur l'infini. Ah oui, il faut préciser que c'est un reliquat de William Shakespeare, donc une partie qu'il a laissée de côté. Et là, c'est vraiment... il essaye à la fois de regarder l'infini et en même temps d'y donner forme. Et ça, c'est tout à fait significatif de lui. Que contrairement à beaucoup d'autres, il va, je pense, au-delà de l'image, tout en, à chaque fois, réussissant à vaincre l'indicible. Ouais. Et ça, je crois que c'est complètement exceptionnel. L'infini, il le découvre dans le télescope d'Arago, un beau soir d'été. Oui, ça c'est extraordinaire. Donc il raconte, mais il va raconter, c'est 20 ans après que... Ce souvenir est présent dans sa mémoire quand Arago, avec qui il était lié, lui a dit qu'un nouveau télescope était arrivé à l'observatoire et qu'on pouvait considérer la Lune. Donc Hugo se rend pour voir les reliefs de la Lune. Et là, il assiste à ce spectacle grandiose qui est la rencontre du... Enfin, l'arrivée du soleil dans la lune, et là, tout d'un coup, il voit comment une forme surgit. Et je pense que c'est presque poétiquement, c'est une date historique, si on pouvait dire. Justement, c'est bien pour ça que j'avais pris ça comme titre. C'est quand il s'exclame devant cette arrivée de la lumière, cette rencontre de l'ombre et de la lumière, et il dit si rien avait une forme, ce serait cela. Et s'ensuit une extraordinaire méditation sur le rêve, sur l'imagination et forcément sur l'infini. Les arcs-en-ciel du noir, Victor Hugo, c'est un livre d'Annie Lebrun chez Gallimard. C'est aussi une exposition à la Maison Victor Hugo à Paris jusqu'au 19 août. Et puis nous avons parlé de la réédition d'Appel d'air d'Annie Lebrun chez Verdi et Poche et de sa préface au Promontoire du songe de Victor Hugo qui paraît chez Gallimard dans l'imaginaire. Jour au lendemain, Julien Douminc, Philippe Baudouin, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.